Voilà, c'est. Nous sommes dimanche soir. Il est 18h environ. Et voilà. Nous sommes confinés. Mais là, je fais ma promenade autorisée de 1 heure et j'ai pris mon enregistreur au cas où. Et voilà que je viens de passer à côté de l'église, tout près de chez moi, et que il y avait un organiste qui jouait. En temps normal, je serais rentré dans l'église, mais là, elle était close. Donc, je me suis contenté de tendre les micros près de la porte. Voilà que l'orgue s'est mêlé au son de la ville. Puis là, je suis reparti. Je marche vers un banc. Tout n'est pas confiné. Il y a encore de la vie. Des voitures. Même des oiseaux. À nuit tombée. Vous l'entendez? Je m'en approche. Je m'en suis sans doute trop rapproché. Ah non. Il est toujours là. Ma présence ne l'a pas fait fuir. Je m'en éloigne. Il ne chante plus. Sans doute l'ai-je quand même dérangé. Poussette et vélo. Voilà. C'était ma petite carte postale de ce soir. Bonne soirée.